mesure, en cas de mesure, j'anticipe en cas de blessure, en cas de césure, je demande carte saison. Pourquoi se limiter, le monde est ma prison, le monde est ma maison, je passe d'un thème à l'autre sans aucune raison. Je reste étrange derrière ma petite apparence, l'onas de bascola, le shit sont mes références avec un style immense. Toujours calme en apparence, je lance un missile en un claquement de scie, écoute ce craquement de scie. Je suis défoncé dans mes faces qui fusent, qui fuient dans mon fut pour diffuser mes fuites. Pour refuser mon fit, pour défriser mes kiffs, faudrait que je tise plus d'indigestif. Rappeur conscient ou inconscient, j'en ai rien à cirer. J'irai là où mon subconscient ira, moi je suis pas un rat. Moi, faut que je prenne le large, tristesse ou rage. Je fais le plein d'aura, un plein d'orage. T'as du mal à me suivre, toi qui m'écoutes au compte goutte, goutte que goutte. Balance la rime comme un coup de coude, bislard, comme un coup de cutter. Charcuteur de phase, avec un hypercute de base. J'électrocute les nazes avec ma bite en guise de tasse. Moi aussi je rentre dans la banque sans faire toc toc toc. Je fais les bras, c'est Pélasse qui débloque. J'ai un tas de rimes en stock, remballe ton vocodeur en top. Style décontracté pour les cons qui aiment jater. Oh yeah, brave, j'envoyais. Ouvrez la bouche, tirez la langue et avalez ma boisson lactée. Mais pour qui tu me prends pour un prank? Moi aussi je rentre dans la banque sans faire toc toc toc. Je fais les bras, c'est Pélasse qui débloque. J'ai un tas de rimes en stock, remballe ton vocodeur en top. Style décontracté. Oh yeah, brave, j'envoyais. Ouvrez la bouche, tirez la langue et avalez ma boisson lactée.